fait plus de fleurs. J'aime pas fou que tes désirs soient géants. J'ai noyé ton amour dans l'océan. Je t'ai fait de la peine. J'ai détruit tes veines. Mais de côté tes désirs trop grands. J'ai noyé ton amour dans l'océan. J'ai noyé ton amour dans l'océan.